Et ouais, j'aime ça, ça. Le beat qui envoie, des beats on envoie comme le sang qui gicle quand je sonne le glas. Écoute-moi, c'est du moi jeu, le jeu de tous les mois. On n'est pas au Moyen-Âge, ouvre les yeux, tu peux pas faire mieux, j'en vois se faire Dieu. Je rappe encore alors que tout le monde est tout mieux, au mieux. Hélas, j'aime l'alcool fort, je me passe pas du hardcore, gore, moralement. Les filles pour elles, tu mens, appelle ta maman, c'est l'ego trip double méchant. Tes grosses tripes autour ta grosse bite grand, c'est le clip trop marrant. Voilà qui je suis, voilà qui je kenny. Envoyez le gouvernement en maison de redressement. C'est comme les queues, ça dresse aisément. Mon but est saignant, je rappe tout en essayant d'achever la magouille qui nous dirige salement. Sale je suis, et pour les seuls qui te suicident, ton sang personne ne les suit, tu me suis. Si t'es une fille, les gens préfèrent que tu les suces. J'en que les armes, le front national, l'argent, le tuning et tout ce qui naze. Tout ce qui est nazi, tout ce qui est assis, avale ce son comme une pilule. Pulse, ecstasy, révolution, pénir, pana, ça saisit. En retard, hier je me suis couché à 6h, un peu tard. Ça commence mal, j'ai un warning et je mate les phares. Je m'emmerde contre les fesses, jamais je me confesse. J'ai assis mes balances et l'enclume sur des pièces. J'ai déjà trouvé pour défoncer une belle caisse. Des bandeaux peinture dans la caisse, au fond d'art plastique je m'intéresse. Les beaux gosses commencent à peine à draguer. Moi je suis déjà en train de taguer. RR sur Valence, foutre la merde, même pas tu penses. On est juste une bande de losers qui arrive jamais à l'heure. Allons, on s'amuse. De vrais branleurs pour combler la haine dans nos cœurs. Et on crame tes petites fleurs. C'est le débat du débarquement. Depuis nos bars, baraqués dans le baraquement. Assis sur nos bancs de barracuda. Je m'en fous de la gueule, t'en avais une, tu les connais toutes. Elles, c'est des clones, je l'ai dit de vendredi à jeudi. J'aime les cours de chimie pour fabriquer des explosifs. Jamais j'en chie. Et le 15, il téléphone à qui? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Les profs prévoient des trucs. Et comment il faire pour me le montrer si je crève en début d'année? Désolé, mon canard en selle. Je m'approche pas, mes chaussures sont meilleures que moi. J'ai pu me laver ce matin à cause du contrôle d'identité. Tu m'excuseras de toute façon jamais être seul. En tout cas, loin de toi. Le curé n'est pas un pro, le procureur non plus. Je me suis procuré le micro tout à coup. Quand je me suis fait cuire de la cure, c'est gros ça. Écoute les parcours, pas de super-héros que des dégos. Écoute les parcours, pas d'étoiles gros que des mégots. Écoute les parcours, tout est faux, il le faut. On a fait maigrir, mais qui quand tu sais que tu es t'es mort. J'ai la chance, c'est probable, pas que sans mon nom compréhensible. Pourtant, je suis une belle cible, drague pas si c'est joué, fais dodo avec ta rétrique. Là, t'es pas, c'est un artiste en plastique. Tu sais qu'on t'aime, pourtant, nouveau couplet nourri sans thème que j'écris à l'entrée de seconde comme si on chargeait un FM. C'est pas fameux, ni ma queue, il paraît que le robot parle mal, mais au moins il parle mal. Quand je regarde les filles, elles arrêtent de sourire, pourtant la vérité reste belle. J'ai arrêté de mourir, commencé à tout pourrir. Cours attends toi et ton collier, le moins bling bling, mon stylo, mon gag, tendu en dénivelé. Pour ton esprit abîmé, je vais te remercier si tu dis bonjour. C'est que ça n'arrive pas tous les jours. Je suis en retard de plusieurs days, je cherche pas ces tournées promotionnelles. J'encaisse et reste gaise, même son gueule la vie, je suis amoureux d'elle. Pourtant, c'est pas si je prends qu'elle est pas belle. Non, c'est pas le champion qui fait ça. Ce qu'il y a devant toi, c'est bien terroriste, pire que la Qaïda. Ce que j'attends de toi, peut-on passer? Mais ce que je veux finalement, c'est la paix. Je crois qu'au nom de Dieu, quand une fille vient au monde, elle peut. Mais le genre de mec qu'elle veut, du moment que je fais pas partie d'eux. De toute façon, j'ai pas de genre dans ce jeu. Fucking famous, j'ai envie, j'ai statut d'une souris d'un mousse. Je me sois fameux souris. Sylvia, son anniversaire, on va lui offrir un pouchin bol. Parce que les murs, c'est fragile et ça se répare pas à la colle. Il faut que je sorte avant que mon appart soit complètement destroy. Comme ce m'a carrément cassé, envie d'idéaliser, de dadaiser. Les girls ont peur de moi, me prennent pour perdre encore là. Mais même lui, c'est pas Emile Louis. Mais même lui, c'est pas Adolphe. Mais même lui, c'est pas Sarkozy. C'est même pas. Enfin, je trouve pas pire. Écoutez le parcours, pas de super-héros que des dégos. Écoutez le parcours, pas d'étoiles gros que des mégots. Écoutez le parcours, tout est faux,